بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 53 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. On était en train au dernier cours d'expliquer les exemples par rapport au compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu, ainsi que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, et comment parfois Omar ibn al-Khattab a été dans l'erreur dans certaines questions malgré qu'il était mukhatab, et que ou bien il était muhaddath, et que malgré ça ça veut pas dire qu'il est infaillible ou qu'il peut pas se tromper. Et ceux qui viennent après lui parmi les musulmans, parmi les awliya, ou parmi les imams, ou parmi les shuyukh, eh bien, ils sont encore en dessous de Omar ibn al-Khattab, et ils n'ont pas la confirmation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur sujet comme d'être des muhaddathin. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que si Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, malgré son statut, malgré sa piété, malgré qu'il est un wali parmi les meilleurs awliya d'Allah, et qu'il s'est trompé sur certaines questions, c'est la preuve que les awliya, ils peuvent tous se tromper, que personne est infaillible au point où quelqu'un a le droit de dire à son sujet que tout ce qui sort de sa bouche c'est la vérité, et qu'on n'a pas le droit de le contredire dans quoi que ce soit. Peu importe son degré de science, peu importe son degré de piété, hein, à part le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, on n'a pas le droit de suivre aveuglément personne d'autre, hein. Et le cheikh, il continue donc sur cette question-là, et il dit فَعُمَرْ إِبْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْهُ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُنَازِعُونَهُ فِي مَا يَقُولُهُ وَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَدِ اتَّفَقَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء. Donc on va traduire ce passage-là. Le cheikh, il explique que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il était parmi les meilleurs de la Ummah. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه وهو أمير المؤمنين وكان المسلمون. Donc c'est ça. ينازعونه في أشياء فيحتج. Donc c'est ça. Quiconque, le cheikh, il explique par rapport à ce qu'on a dit au dernier cours à la fin, que quiconque prétend que quelqu'un est un wali, ou quelqu'un qui prétend lui-même être un wali, ou quelqu'un prétend que c'est un wali, c'est ça, c'est que la personne elle prétende elle-même, hein, ou ses compagnons prétendent qu'elle est un wali, hein, ou qu'il est une personne inspirée, que Allah l'inspire, ou des choses comme ça, et qui incite ou qui ordonne, qui oblige à ses fidèles d'accepter tout ce qui vient de lui comme parole, hein, et de jamais s'opposer à lui ou s'objecter à quoi que ce soit de ce qu'il dit, pour qu'il se soumette entièrement à ce qu'il fait, sans tenir compte de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc le cheikh dit celui-là et eux sont dans l'erreur. Celui-là, cette personne, et ceux qui disent ça à son sujet sont dans l'erreur. Il dit, et ce genre de personnes sont parmi les gens les plus égarés. Par rapport à ce qu'on vient de lire, maintenant on continue. Il dit, parce que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est meilleur que lui, c'est-à-dire est meilleur que cette personne-là, et il est Amir al-Mu'minin, il est le khalifa, le chef des croyants. Malgré ça, les croyants, parmi les musulmans de son époque, à l'époque de son khilafa, quand il était khalifa, parfois ils s'objectaient à lui. Hein, parfois il disputait ses opinions ou ses points de vue, hein, dans qu'est-ce qu'il disait. وهو وهم على الكتاب والسنة. Et il était lui-même ainsi que ceux qui le suivaient parmi les Sahaba, ils étaient sur le Coran et la Sunna. Ensuite, Cheikh il mentionne, Cheikh al-Islam, il dit, et les salafs de la Umma se sont mis d'accord, ainsi que les imams de la Umma se sont mis d'accord pour dire que toute personne, sa parole peut être prise ou laissée, excepté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est parmi les différences qui existent entre les prophètes et les autres, parmi les awliya, hein, les autres parmi les musulmans, qu'ils soient des awliya ou non. D'accord? Et il cite en note de bas de page plusieurs exemples de hadith à ce sujet-là. L'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a ordonné aux musulmans de faire le hajj tamattu. Hein? Et un parmi les sahaba a dit, oui, mais Abu Bakr et Omar ont interdit de faire le tamattu. Alors, Abdullah ibn Abbas, hein, il a dit cette parole qui est célèbre, hein, je crains que les pierres tombent sur vos têtes, hein, parce que je vous dis, Allah, je vous dis, le messager d'Allah a dit, puis vous objectez à moi en me disant à Abu Bakr et Omar, hein, en voulant dire, comment osez-vous, hein, mettre la parole d'Abu Bakr et Omar au-dessus de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si ça, c'était quelque chose de blâmable et de condamnable par rapport à Abu Bakr et Omar, alors que c'est les deux parmi les meilleurs de cette Umma, eh bien, que dire de celui qui met la parole d'un cheikh ou d'un imam qui est venu des siècles après Abu Bakr et Omar et qui n'ont pas leur degré de piété ni leur degré de connaissance et qui prétend ou qui pense qu'on peut placer ça, son opinion ou sa parole au-dessus de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il a mentionné également d'autres exemples aussi qui ont été mentionnés. Plusieurs exemples dans ce sens-là. On voulait dire des exemples où quelqu'un, par exemple, voulait opposer une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou une parole, et puis les sahaba les ont critiqués, les ont condamnés de vouloir faire ça. La même chose aussi, la position des quatre imams, comme l'imam Ibn al-Qayyim l'a mentionné aussi, du fait que tous les imams des quatre madhahib, ils ont tous dit, hein, qu'on ne doit pas les suivre aveuglément, mais qu'on doit suivre leurs preuves, et que s'ils disent quelque chose contraire au Coran et à la Sunna, qu'on doit rejeter leurs paroles et suivre qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça, c'est pour résumer qu'est-ce que le cheikh il a cité à ce point-là. Puis ensuite, il continue, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en disant, وَهَذَا مِنَ الْفُرُقْ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاء صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ يَجِبُ لَهُمُ الْإِيمَانِ يَجِبْ لَهُمُ الْإِيمَانِ بِجَمِيعِ مَا يُخْبِرُونَ بِهِ عَنِ اللَّهِ. Donc il explique, il dit, c'est ça, parmi les différences entre les prophètes et les autres hommes, en dehors des prophètes, c'est que les prophètes, que Allah leur donne sa bénédiction et sa paix, il dit qu'il est obligatoire pour nous de croire en tout ce qu'il nous donne comme information à propos d'Allah. Et il est obligatoire pour nous de leur obéir dans tout ce qu'ils ordonnent de faire. Il dit ensuite, بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به. Tandis que les أولياء, contrairement aux prophètes, ce n'est pas obligatoire pour nous de leur obéir dans tout ce qu'ils leur donnent. Et ce n'est pas obligatoire de croire en tout ce qu'ils donnent comme information. Et ce n'est pas obligatoire de leur obéir dans tout ce qu'ils ordonnent. Hein? بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة. On doit plutôt mettre ce qu'ils ordonnent et ce qu'ils informent, hein, ce qu'ils donnent comme information devant le Coran. On le met en face du Coran et de la Sunna, hein, pour analyser, voir si c'est en accord ou non. Il dit, فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتهاده، ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Donc le cheikh il dit, ce qui est en accord avec le livre et la sunna de leurs paroles et de leurs ordres, on l'accepte. Ce qui contredit le Coran et la sunna, alors c'est rejeté, même si la personne fait partie des awliya, même si la personne fait partie des mujtahidin qui sont excusés dans ce qu'ils disent lorsqu'ils font une erreur et qui sont récompensés pour leur ijtihad. Toutefois, s'ils contredisent le Coran et la sunna, alors ils sont dans l'erreur et celui qui a son erreur excusée parce qu'il est mujtahid, hein, s'il a fait son possible pour craindre Allah, yani dans ce cas-là, yani sera excusé. Mais malgré ça, ça ne justifie pas qu'on ait le droit de le suivre dans son erreur. Et la preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit fattaqullaha mastata'tum. Donc préservez-vous d'Allah plus que vous pouvez. Plus que vous pouvez, ça veut dire craignez Allah tel qu'il mérite d'être craint. Et bien entendu, on ne peut pas craindre Allah tel qu'il mérite, comme il dit, préservez-vous d'Allah comme il mérite que vous vous préserviez de lui. Et on n'est pas capable d'arriver à ce degré-là. Donc, dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 16, dans surat al-Tahabun, alors préservez-vous d'Allah plus que vous pouvez. Le plus que vous pouvez. Et ça, c'est l'explication du verset 102 dans surat al-Imran. Le cheikh, il explique, cheikh al-Fawzan, à propos de ce verset, il dit لا ينقص ذلك من ولايته لله وإن كان أخطأ فإنه لم يخطئ عن قصد وإنما أخطأ عن اجتهاد يبحث عن الحق لكنه لم يصل إليه فهو معذور ومأجور ولا ينقص ذلك من قدره أو يخرج بذلك عن ولاية الله سبحانه وتعالى وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وهذا صعب أن يبلغ الإنسان هذه المرتبة ولكن فسرتها الآية الأخرى وهي قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فمن اتقى الله حسب استطاعته فقد اتقى الله حق تقاته وهذه الآية مفسرة ومن يبلغ هذه المرتبة. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire que la personne qui est mujtahid et qui a fait son effort, son possible pour atteindre la vérité, mais qui a fait une erreur, elle sera excusée pour son erreur et elle ne va pas diminuer de son degré dans la wilaya d'Allah, le fait qu'elle est un wali d'Allah à cause de son erreur, parce que son erreur n'était pas intentionnelle. Elle a fait son erreur par ijtihad, parce qu'elle a fait son possible et elle n'a pas atteint malgré tout la vérité, mais elle cherchait la vérité, et elle n'y est pas arrivée. Donc la personne sera excusée et en plus elle sera récompensée et non punie, et son degré ne va pas diminuer, ça ne va pas diminuer de sa valeur non plus. Et ça ne va pas non plus la faire sortir de la wilaya d'Allah, la proximité d'Allah qu'elle a. Et quand on dit de se préserver d'Allah comme il mérite qu'on se préserve de lui, c'est-à-dire qu'il soit obéi et qu'on ne lui désobéisse pas. Et qu'on se souvienne de lui et qu'on ne l'oublie pas et qu'on lui soit reconnaissant et qu'on ne soit jamais ingrat envers lui. C'est ça, حق تقاته. Et il dit ça, c'est extrêmement difficile à atteindre pour un homme, pour un être humain. D'arriver à ce degré-là, c'est très difficile, mais cela a été expliqué par l'autre verset, qui est le verset 116 dans Surat al-Taghabun, qui explique le verset 102 dans Surat al-Nisa. dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et préservez-vous d'Allah comme vous le pouvez. » C'est-à-dire, préservez-vous d'Allah selon votre capacité. Et donc, celui qui s'est préservé d'Allah, comme celui qui s'est préservé d'Allah comme il peut, il s'est préservé d'Allah comme Allah mérite d'être, qu'on se préserve de lui. Et ça, c'est qu'est-ce qui explique le verset. Mais qui va être capable d'arriver à ce degré-là quand même, hein? En vous l'en dit, c'est extrêmement difficile. Parce que c'est un degré très élevé. Ensuite, le Cheikh, il mentionne, il dit, Cheikh al-Islam, وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ حَقْ تُقَاتِهِ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَأَنْ يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ أي بحسب استطاعتكم فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة وهم فيها خالدون وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah, il cite maintenant la parole de l'imam, la parole du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, et d'autres également, qui ont dit que de se préserver d'Allah tel qu'il le mérite, c'est-à-dire qu'il soit obéi et non pas désobéi, hein? C'est-à-dire qu'on lui obéisse sans lui désobéir, qu'on se rappelle de lui sans jamais l'oublier et qu'on soit reconnaissant sans aucune ingratitude. Et il dit, et c'est selon votre capacité, c'est selon votre capacité, car Allah ne va pas charger une âme plus que qu'est-ce qu'elle est capable de supporter. Et c'est comme Allah le dit dans le verset 286 286 dans Surat Al-Baqarah et le verset 42 dans Surat Al-A'raf. Hein? La nukallifu nafsan illa wus'aha. Et le verset également, le verset 152 dans Surat Al-An'am. Donc dans tous ces versets là, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle que il ne va pas charger une âme d'un poids ou d'une charge qui est trop lourde pour elle et qu'elle n'est pas capable de supporter. Et le Cheikh, il dit wa hadha kathirun fil Qur'an an Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha wa la yu'akhidhuha على ما لا تطيقه لأنه لم يكلفها بذلك وهذا المبحث مبحث جليل ينبغي العناية به. Le Cheikh dit, et dans le Coran il y a beaucoup de versets dans ce sens là qui confirment que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas charger une âme excepté selon ce qu'elle est capable de supporter, et il ne va pas lui faire porter ce qu'elle n'est pas capable d'endurer, et il ne va pas la charger de faire ce qu'elle n'est pas capable de faire. Et ça, c'est une question qui est très importante, et il faut donner à cette question une attention vraiment grande. Ensuite, le Cheikh, il dit وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ سبحانه وتعالى أن الإيمان بما جاءت به الأنبياء في غير موضع كقوله وقد ذكر الله تعالى الإيمان بما جاءت به الأنبياء في غير موضع كقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. Donc le Cheikh, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la foi en ce que les prophètes ont amené dans plusieurs endroits dans le Coran, comme le verset 136 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dites, nous croyons en Allah et en ce qui a été révélé sur nous, et en ce qui a été révélé sur Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Ya'qub, de même que les douze tribus, et ce qui a été donné à Moussa et à Isa et aux prophètes de la part de leur Seigneur, nous ne faisons entre eux aucune distinction et nous lui sommes soumis. C'est-à-dire, nous sommes musulmans, hein. Et le cheikh, il explique ce passage-là. Et il dit, السياق في قضية أخذ أقوال العلماء قضية مسلمة لا سيما من يسمونهم الأولياء لأن الصوفية يقدسون الأولياء ويأخذون أقوالهم قضية مسلمة لا تقبل الشك والنقاش وهذا ضلال وكفر والعياذ بالله لأن الذين يجب أخذ أقوالهم من غير تردد هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن عداهم فإنه لا يؤخذ من قوله إلا ما وافق قول الأنبياء لأن غير الأنبياء عرضة للخطأ وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم معصومون لا يتطرق الشك إلى أقوالهم. Donc le cheikh il dit que le contexte donc du sujet qu'on est en train de parler, qui est le fait de prendre les paroles des ulama, hein, et que ça c'est une parole qui est acceptée et qui est reconnue, hein, c'est-à-dire que on va pas prendre une parole d'un savant de façon aveugle et absolue sans que on ait vérifié si cette parole elle est en accord avec le Coran et la Sunna. Si c'est pas en accord avec le Coran et la Sunna, on n'a pas le choix de la rejeter, même si la parole de cette personne, hein, c'est une personne même si la personne en question, c'est une personne respectée, c'est une personne qui a beaucoup de savoir, c'est une personne qui est très pieuse, hein, on ne va pas prendre sa parole aveuglément sans que sa parole soit en accord avec le Coran et la Sunna. Le cheikh il dit, et en particulier donc ceux que on appelle les awliya, ceux qu'on appelle les awliya, c'est-à-dire les serviteurs pieux et rapprochés d'Allah. Parce que les soufis, à eux, le problème, c'est qu'ils vénèrent et qu'ils sanctifient les awliya. C'est-à-dire qu'ils font d'eux des êtres qui sont comme des prophètes ou même, hein, comme des personnes parfaites, hein, des personnes infaillibles. Et ils prennent tout ce qu'ils disent comme si c'était une chose qui était irréfutable et on n'a pas le droit de douter, hein, à leur sujet. Et de penser qu'on doit prendre tout ce qui sort de leur bouche ou tout ce qu'ils font comme action comme étant la vérité, et ça c'est de l'égarement et c'est de la mécréance. Et le cheikh il dit parce que donc ceux dont nous sommes obligés d'accepter toutes les paroles sans hésitation. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce sont uniquement les prophètes d'Allah. Et ceux qui viennent en dehors des prophètes, hein, eh bien, on n'a pas à prendre tout ce qu'ils disent. On a uniquement à prendre ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, hein, dans leurs paroles et dans leurs propos. Parce que ceux qui sont en dehors des prophètes et qui ne font pas partie des prophètes, eh bien, ils sont susceptibles de faire des erreurs. Et tandis que les prophètes, eux, ils sont infaillibles. Et on n'a pas le droit d'avoir des doutes dans leurs paroles. Hein? Donc c'est ça la différence. Le cheikh il dit ensuite, As-Sufiya kadhalik, man qalladahum mimman yu'azzimuna a'immatahum wa qadatahum, wa ya'khuzuna aqwalahum qadiyatan musallama, la taqbalu al-niqash, بل يبايعون على ذلك يبايعون على أخذ الطريقة والتسليم لشيخ الطريقة وأنه لا ينازع ولا يناقش ولا يشك في قوله ويبايعون على هذا وهذا من الضلال المبين لأن من عدا الأنبياء فإنه عرضة للخطأ والصواب. Donc le cheikh il dit, les soufis, c'est la même chose. Hein? Donc, ceux qui les suivent, et qu'il est parmi ceux qui les vénèrent, qui vénèrent les imams et qui vénèrent leurs chefs parmi les shuyukh des turuq, et ils prennent leurs paroles comme si c'était une chose acceptée et qui n'acceptent pas de discussion ou de débat ou de doute, hein, et même qu'ils leur donnent l'allégeance sur ce qu'ils font. Et quand ils demandent aux gens de les suivre, ils prennent d'eux l'allégeance, et dans les conditions ou dans les clauses de cette allégeance, eh bien, il y a la mention que s'ils rentrent dans la tariqa, ils doivent se soumettre absolument au cheikh de la tariqa, et ils ne doivent jamais lui disputer quoi que ce soit de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait, et ils ne doivent pas débattre quoi que ce soit de ce qu'il décide ou de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait, et ils ne doivent pas non plus douter en quoi que ce soit de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Et ils prennent l'allégeance, hein, avec le cheikh sur cette condition-là, et il n'y a pas de doute que ça c'est de l'égarement évident, et que il y a personne en dehors des prophètes qui peut prétendre avoir le droit d'être suivi par les gens de cette façon-là, parce que toute personne autre que les prophètes, comme on l'a dit déjà, eh bien il est susceptible de faire des erreurs. Il peut avoir raison, mais il peut également avoir des erreurs et se tromper. Le cheikh il dit ensuite, il dit وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ مِنْ سَادَاتِ الْأَوْلِيَاءِ كَعُمَرْ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ خَطَأ فِي بَعْضِ الْإِجْتِهَادَاتِ أو في بعض الأقوال حصل منهم خطأ فهم ليسوا معصومين فهذا هو السياق الذي ما زال الشيخ فيه. Donc, le cheikh il explique le contexte qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est ça. C'est que on a déjà expliqué dans les points qu'on vient de mentionner dans les cours précédents, que parmi les têtes des awliya, les plus hauts, des plus élevés parmi les awliya, comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et d'autres également parmi les sahaba, on a vu que parmi eux il y a des erreurs parfois qui ont été faites par ijtihad, hein, ou bien dans certaines de leurs paroles ils se sont trompés dans certaines choses, hein. Donc on a vu que il y a eu des erreurs de leur part, et ils ne sont pas infaillibles, hein, ne sont pas infaillibles, et donc c'est dans ce contexte là que le cheikh il continue maintenant. Hein, il continue à expliquer cette règle-là, ce principe-là. Et alhamdoulillah, le cheikh il dit ensuite: وَذَكَرَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى قَبُولِ قَوْلِ الْأَنْبِيَاءِ بِدُونِ تَرَدُّدٍ هَذِهِ الْآيَةِ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فهذا فيه أن قول الأنبياء يؤخذ ولا يناقش ولا يتردد فيه، فمن لم يأخذ به أو تشكك فإنه ليس مؤمنا بالأنبياء. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah il a mentionné parmi les preuves qu'il est obligatoire pour nous d'accepter la parole des prophètes sans hésitation, le verset 136 dans sourate Al-Baqarah qu'on a lu tout à l'heure, et qui dit donc de croyez en Allah, hein, ou bien dites nous croyons en Allah et en ce qui a été révélé sur nous et ce qui a été révélé sur Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, les tribus, hein, et ce qui a été également donné à Moussa et à Isa, et ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur, et nous ne faisons aucune distinction entre eux, et nous sommes soumis à lui, c'est-à-dire nous sommes musulmans, et il a cité ça comme preuve. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ, il cite le verset, قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمِ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَعْتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِنْدِهِمْ وَإِنَّمَا يَعْتُونَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وذكر هؤلاء بأسمائهم ثم أجمل فقال وما أوتي النبيون من ربهم على سبيل العموم. Donc le cheikh dit, Allah dans le verset il mentionne subhanahu wa ta'ala, dites nous croyons en Allah et en ce qui a été révélé sur nous et en ce qui a été révélé à Ibrahim. Parce que les prophètes, ils ne ramènent rien d'eux-mêmes. Ils ne font que ramener ce qui a été révélé sur eux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ces prophètes par leur nom. Ensuite, il a mentionné de façon générale, sans spécifier, des prophètes. Il a mentionné par la suite des prophètes, sans mentionner de nom spécifique, en voulant dire que il y a des prophètes qui ont été cités par leur nom. Et ensuite, il a dit de façon générale, وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ, et ce que les prophètes ont reçu de la part de leur Seigneur, de façon générale, sans spécifier. Ça veut dire qu'il y a des prophètes qui n'ont pas été énumérés dans le Coran, mais yani, il faut croire en eux aussi et en ce que Allah leur a révélé. Ensuite, le cheikh il continue, il dit وَهَذِي عَقِدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعِ أَنَّهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ لا يفرقون بين الأنبياء فهم لا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كحالة النصارى واليهود كحالة اليهود والنصارى وإنما يؤمنون بجميع الأنبياء ويؤمنون بجميع الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذه آية البقرة وآية آل عمران. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهكذا في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا أصل عظيم من أصول العقيدة, الإيمان بجميع الكتب والإيمان بجميع الرسل من غير تفريق بين كتاب وكتاب أو بين رسول ورسول. Donc, le cheikh il explique maintenant pour terminer que parmi les éléments qui font partie de la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'ah, il y a le fait qu'on ne fasse aucune distinction entre les prophètes. Donc on va pas croire en certains puis rejeter d'autres comme le font les chrétiens et les juifs, mais plutôt on croit en tous les messagers d'Allah et tous les prophètes d'Allah. Et il dit on croit en tous les livres qui ont été révélés de la part d'Allah également. Et le cheikh il cite les versets 150 à 152 dans Surat An-Nisa, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement, il dit ce qui signifie ceux qui renient la foi en Allah et en son messager et qui veulent faire une distinction ou séparer entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains et nous renions certains, et qui veulent prendre une voie entre ces deux voies, ceux-là sont les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Et ceux qui ont cru en Allah et en son messager, et qui n'ont fait aucune distinction entre eux, alors nous leur donnerons à ceux-là leur récompense. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Puis il a cité ensuite d'autres versets dans lesquels on a mentionné que Allah dit dites nous croyons en Allah, ou bien dit ô Muhammad nous croyons en Allah et en ce qui a été révélé sur nous et en ce qui a été révélé à Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Yaqub et les tribus et ce qui a été donné à Moussa et à Isa et les prophètes de la part de leur Seigneur, et nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous lui sommes soumis, nous sommes musulmans. Et l'autre verset dans Surat al-Baqarah, aussi le verset 285, à la fin de Surat al-Baqarah, hein, le messager a cru en ce qui a été révélé sur lui de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils disent, nous entendons et nous obéissons, pardonne-nous. Ghufranaka Rabbana. Yani, on te demande pardon, notre Seigneur, et c'est vers toi le retour. Il dit, ça c'est un fondement important parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a, de la Aqida, hein, de croire en tous les messagers, tous les livres et en tous les messagers sans faire de distinction entre un livre et un autre ou un messager et un autre. Et ensuite, le Cheikh il continue avec un autre verset que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a cité, hein, et il dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Donc le Cheikh il explique maintenant, il cite ces versets là de 1 à 5 dans le début de la Baqara. Alif Lam Mim, ceci est le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute, une guidance pour les pieux, ceux qui croient en le Ghaib, en l'invisible, et qui établissent la salat et qui donnent de ce que nous leur avons, qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance. Et ceux qui croient en ce qui a été révélé sur toi, et ainsi que ce qui a été révélé avant toi, et qui croient avec certitude en l'au-delà. Ceux-là sont sur une guidance de la part de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui ont le succès. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan il explique l'explication donc de ces versets-là. C'est le tafsir du début de Baqara, du cinq premiers versets de Surat Al-Baqarah. Il dit في مطلع سورة البقرة قال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب وهو ما لم يشاهدوه وإنما يعتمدون على الأخبار الصادقة ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب من المغيبات يؤمنون بالغيب اعتمادا على البراهين والآيات الدالة وإن لم يشاهدوه ويدخل في هذا الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالأخبار السابقة وأخبار الأمم والأخبار المستقبلة كل هذا يدخل في الإيمان بالغيب الذي لا يشاهدونه ولكن يعتمدون على الوحي المنزل وأخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الصلوات الخمس المفروضة ومما رزقناهم ينفقون وهذا إيتاء الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهذا محل الشاهد المتقون يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك على الرسل لا يترددون في ذلك ولا يقدمون عليه شيئا من أقوال الناس وبالآخرة هم يوقنون الإيمان بالبعث هذه أركان الإسلام الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وهذا هذا يرد يتردد في القرآن كثيرا وهذه أصول الإيمان الستة الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Donc on va traduire ça. Le Cheikh il dit au début de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc Alif Lam Mim, il dit ceci est le livre au sujet duquel il n'y a pas de doute, une guidance pour les pieux. Et qui sont-ils? Il dit ce sont ceux qui ont cru en Al-Ghaib, c'est-à-dire l'invisible, ce qu'ils n'ont pas vu avec leurs yeux. Hein? Ils y croient, hein, ce qu'ils n'ont pas pu être témoins, et ils se basent pour y croire sur les informations véridiques, ce qui a été ramené par les messagers, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre comme livre au sujet des choses invisibles, et ils croient en l'invisible en se basant sur les preuves claires et sur les versets qui indiquent la véracité de ces choses-là, même s'ils n'ont pas été témoins, hein, comme par exemple la foi en Allah. Ils n'ont pas vu Allah, mais ils y croient. La foi en les anges, ils n'ont pas vu les anges, mais ils y croient. Hein? Ils croient en les informations au sujet des peuples précédents, hein, les peuples qui ont vécu avant nous et que Allah nous a mentionnés dans le Coran. Ils croient en les informations au sujet de l'avenir, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans le Coran. Tout ça, ça rentre dans la foi en al-ghayb. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-ghayb, c'est-à-dire l'invisible. Des choses que nous n'avons pas été témoins, des choses dont nous n'avons pas été témoins, qu'on n'a pas vu soi-même ou pas entendu soi-même. On y croit et on se base sur la révélation pour croire en ces choses-là, parce qu'elles ont été mentionnées dans la révélation et elles font partie des informations que les messagers nous ont rapportées. Et il dit ensuite, hein, ceux qui croient en le rêve et qui établissent la salat. La salat, c'est-à-dire les cinq prières obligatoires, et qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance, et ça, ça fait partie de donner la zakat. C'est le troisième pilier parmi les piliers de l'islam. Ensuite, il dit, et qui croient en ce qui a été révélé sur toi, et ce qui a été révélé avant toi. Et c'est ça le point ici qu'on veut rapporter, la foi en yani, ce que les messagers ont ramené. Il dit, les pieux qui croient en ce que Allah a révélé à toi, ô Muhammad, et ce qui a été révélé au prophète avant toi, ils n'hésitent pas à croire et à accepter cela. Et ils ne vont pas mettre la parole de quiconque parmi les hommes devant la parole des prophètes d'Allah. وَبِالْآخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ Et ils croient en l'au-delà avec certitude, c'est-à-dire la foi en la résurrection. Hein? Et il dit que ça, donc, c'est les piliers de l'islam. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier. Hein? Il dit ça, c'est la foi. Al-Iman bil Ba'th, wa hadhi arkan al-Islam. Donc, après, il mentionne l'élément qui a rapport avec la foi et les piliers de la foi en Allah, en les anges, en les livres, en les messagers, au jour dernier. Il dit, voilà, et il cite le verset dans Surat al-Baqarah, le verset 177, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mais la bonté consiste à croire en Allah au jour dernier, en les anges, en les livres et en les prophètes. Il dit que ça se répète dans plusieurs endroits dans le Coran. Hein? Et il dit que ces fondements-là sont les six fondements de la foi en Allah, la foi en les anges, en les livres, en les messagers, la foi en le jour dernier et la foi en la prédestination, c'est-à-dire ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Et il dit ensuite, ثم قال عز وجل أولئك أي الذين اتصفوا بهذه الصفات على هدى من ربهم يعني ثابتون على الهدى متمسكون منه متمسكون أو متمكنون منه نعم متمكنون منه وأولئك هم المفلحون الذين حازوا على الفلاح في الدنيا والآخرة ومن عداهم فليسوا على هدى وإنما هم على ضلال ولهذا قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وقال ومن الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني ذكر الكفار الأصليين وذكر المنافقين بعد أن ذكر المؤمنين لأن الناس على ثلاثة أصناف الصنف الأول المؤمنون مؤمنون ظاهرون وباطن ظاهرا وباطنا وهم المذكورون في أول السورة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والصنف الثاني كافرون ظاهرا وباطنا وهم الكفار الذين لا يؤمنون برسل ولا بكتب ولا بملائكة ولا بشيء يعني كفار ظاهرا وباطنا والصنف الثالث الذين آمنوا ظاهرا وهم في الباطن كفار وهم المنافقون وهؤلاء شر من الكفار الأصليين لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا. Donc le cheikh il dit que Allah Azza wa Jal il dit ensuite, donc ceux-là, ceux qui ont les descriptions qui ont été mentionnées dans le verset, sont sur une guidance de la part de leur Seigneur, ils sont fermement accrochés sur le droit chemin, ils suivent le droit chemin et la guidance, et ceux-là sont ceux qui auront le succès, c'est-à-dire qui auront le succès dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et tous ceux en dehors de ceux-là ne sont pas sur la guidance, ils ne sont que sur l'égarement, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite le verset suivant, ceux qui ont renié la foi, il leur est égal que tu leur rappelles ou que tu ne leur rappelles pas, ou que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Et ça c'est le verset 6 et le verset 7 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et parmi les hommes il y en a qui disent nous croyons à Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas des croyants vraiment. Et il dit donc qu'il a mentionné les kuffars qui sont à la base des mécréants, c'est-à-dire des mouchriquins ou des kuffars. Ensuite, il mentionne des versets au sujet des munafiquins, les hypocrites. Puis, au début, avant, il a mentionné les croyants dans 5 versets. Donc, c'est pour dire que dans le début de la sourate Al-Baqarah, il y a les 3 catégories d'êtres humains qui existent, qui sont mentionnées. La première catégorie, c'est par rapport à la foi au Coran, ceux qui croient intérieurement et extérieurement. Et cette première catégorie-là, c'est les croyants, parce qu'ils croient intérieurement et extérieurement. Et c'est ceux qu'on a appelés al-muttaqun, les pieux. Ensuite, le cheikh il mentionne la deuxième catégorie, al-kafirun. Kafirun zahiran wa batinan. Ceux qui croient intérieurement et extérieurement, ceux qui rejettent la foi. Intérieurement et extérieurement, donc c'est les mécréants. Les mécréants qui sont clairs, qui renient la foi, ils ne croient pas en les messagers, ni en les livres, ni en les anges, ou ni en quoi que ce soit. Donc, ils sont mécréants et ils le disent. On ne croit pas. Donc, ils rejettent la foi clairement et ouvertement, intérieurement et extérieurement. Et il y a la troisième catégorie, ceux qui ont cru à l'extérieur en apparence, mais que dans leur cœur ils ne croient pas, ils rejettent la foi. Donc ce sont ceux qu'on appelle al-munafiqun, c'est-à-dire ceux qui disent nous croyons avec leur bouche, mais qui dans leur cœur ne croient pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran que cette catégorie-là sont pires que les kuffars qui sont clairement et à la base mécréants, parce que ils essaient de tromper Allah et ceux qui ont cru. Ils essaient de tromper Allah et les croyants. Donc, ils sont plus dangereux que les kuffars al-asliyin. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne donc l'autre verset qu'on a cité tout à l'heure quand on a lu les explications de Cheikh al-Fawzan, le verset 177 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Donc dans ce verset Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne les éléments qui ont rapport avec les piliers de la foi. D'accord? Et il dit, la bonté ne consiste pas à ce que vous tourniez votre visage à l'est ou à l'ouest, mais plutôt il consiste à croire en Allah et au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, et en ce que et de donner de l'argent par amour pour Allah à ceux qui sont tes proches parents ou les orphelins, hein, et les orphelins et les pauvres et les voyageurs et ceux qui demandent, ceux qui demandent parmi ceux qui sont dans le besoin, wa fir riqab, c'est-à-dire les esclaves pour les libérer, et ensuite il dit, et qui ont établi la salat, qui ont donné la zakat et qui respectent leurs engagements lorsqu'ils ont pris des engagements, et de même que ceux qui sont endurants lorsqu'il y a des difficultés, hein, et des malheurs, hein, et lorsqu'il y a un malheur quelconque, ceux-là sont ceux qui ont été véridiques, et ceux-là sont ceux qui sont pieux, donc ceux qui ont at-taqwa. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit, « وَهَذَا بِمُنَسَبَةِ صَرْفِ الْقِبْلَةِ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ وَإِصْرَارُ الْيَهُودِ عَلَى قِبْلَتِهِمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَعَدَمِ قَبُولِهِمْ لِقِبْلَةِ الْكَعْبَةِ. الله عز وجل يقول, ليس هذا ليس من البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر من آمن بالله ومن الإيمان بالله استقبال للكعبة, لأن الله أمر بذلك, فالذي يؤمن بالله يمتثل أمره ويستقبل الكعبة, وهذا هو البر. البر أن تتوجه حيث وجهك الله, ولا تتوجه حيث هواك, وما تحب. البر هو أن تتوجه كما وجهك الله. الله وجهك إلى البيت المقدس في أول الأمر, ثم وجهك إلى الكعبة, والأمر له سبحانه وتعالى. فاستقبال بيت المقدس في وقته طاعة, في وقته طاعة لله, واستقبال الكعبة في وقته طاعة لله, كله طاعة لله, والأمر لله سبحانه وتعالى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, ولكن البر من آمن بالله, من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين, وآتى المال على حبه, إلى آخر الآية. يعني آتى المال, الشيخ يقول هذه الزكاة, على حبه, ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة. وهذا الركن الثاني من أركان الإسلام, فيعني تضمنت الآية أن البر هو في طاعة الله, يعني وأقام الصلاة وقبول أمره حيث وجهك تتوجه, يعني وجهك إلى بيت المقدس تتوجه, تتوجه, ووجهك إلى الكعبة تتوجه, ولا يكون في نفسك شيء أو حرج, لأنك مطيع لله سبحانه وتعالى. Donc ici le Cheikh, il mentionne que l'occasion de la révélation de ce verset là c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a changé la Kaaba de Bayt al-Maqdis jusqu'à la Kaaba al-Musharrafa. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Parce que les croyants auparavant, ils priaient vers Bayt al-Maqdis, puis Allah subhanahu wa ta'ala a changé la Qibla pour que ce soit maintenant vers la Kaaba, donc ils doivent se tourner 180 degrés, hein, prier vers le nord, maintenant ils se tournent vers le sud. Donc le Cheikh, il dit, les Juifs, eux, ont persisté à vouloir rester sur la Qibla de Bayt al-Maqdis, et ils n'ont pas accepté de se tourner vers la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, de toute façon, c'est pas ça la bonté, hein, de tourner votre visage vers l'est ou vers l'ouest, hein, mais c'est plutôt de croire en Allah. Et il dit, parmi les éléments qui font partie de la foi en Allah, il y a le fait de se tourner vers la Kaaba, parce que Allah t'a ordonné de le faire. Et donc celui qui croit en Allah, il va mettre en application son commandement, il va se tourner vers la Kaaba. Et c'est ça la bonté, hein? La bonté, c'est que tu te tournes là où Allah t'ordonne de te tourner ton visage. Et donc, non pas de te tourner là où tes désirs veulent, hein, ou ce que tu aimes. Donc la bonté, c'est de se tourner là où Allah t'a ordonné de te tourner. Et de mettre ton visage là où Allah a ordonné de le mettre. Hein? Donc quand Allah avait ordonné aux croyants de se tourner vers Bayt al-Maqdis, ils se tournaient vers Bayt al-Maqdis au début. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de se tourner vers la Kaaba. Hein? Et ça, c'est un ordre venant de lui. Donc de se tourner maintenant vers Bayt al-Maqdis, à cette époque-là, c'était une obéissance à Allah. Et de se tourner maintenant vers la Kaaba, c'est une obéissance d'Allah à ce temps-là aussi, maintenant. Donc, tout ça, c'est de l'obéissance d'Allah. Hein? Et l'ordre est à Allah. C'est Allah qui décide. Et donc, quand il dit, la bonté ne consiste pas à tourner vos visages ni à l'est ou à l'ouest, mais plutôt la bonté consiste à croire en Allah au jour dernier, en les anges, les livres, les prophètes, et à donner de vos biens, ça c'est la zakat, hein, par amour pour lui, à ceux qui ont des liens de proximité, c'est-à-dire ceux qui sont de tes parents proches, les orphelins, les pauvres, les voyageurs, ceux qui demandent, ceux qui sont esclaves, et d'établir la salat, et ça c'est le deuxième pilier des piliers de l'islam, de faire les cinq prières. Et il dit donc, ce verset comprend tout ce que peut contenir ou tout ce que peut signifier l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'accepter son commandement du fait qu'il nous a ordonné de tourner notre visage dans une direction. Donc il nous a orienté au début vers Bayt al-Maqdis, on s'est tourné vers Bayt al-Maqdis, et ensuite il nous a ordonné de se tourner vers la Kaaba, et on se tourne vers la Kaaba. Hein? Et il ne doit pas y avoir en toi-même à ce sujet-là aucun problème, aucune gêne. Hein? Tu dois uniquement être obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette affaire-là. Et le Cheikh dit, وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْاِعْتِصَامُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وأنه ليس فيهم معصوم يصوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو ما اتفق عليه أولياء الله. Donc le Cheikh dit, et tout ce que j'ai mentionné du fait que les awliya d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah, il est obligatoire pour eux de s'accrocher au Coran et à la Sunna, et qu'il n'y en a personne parmi eux qui sont infaillibles, et qu'on aurait le droit de suivre, hein, sans tenir compte de ce qu'il y a dans le Coran et de la Sunna, ça c'est une chose sur laquelle tous les awliya d'Allah sont d'accord. Tous les awliya d'Allah sont d'accord sur ce principe, qu'il n'y a personne d'infaillible, et que en dehors du messager, en dehors des messagers, on doit toujours mettre ce qu'ils disent en tenant prendre ce qu'ils disent en tenant compte du Coran et de la Sunna. Et si c'est en accord, on l'accepte, si c'est en contradiction, on le rejette. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, et on va terminer avec ça aujourd'hui, Awliya Allah humul muttaqoon, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqoon, haulai hum awliya Allah wa hum alladhina yamtathiluna awamirahu wa yajtanibuna nawahihi ولا يتبعون أذواقهم ومواجيدهم وما اصطلحوا عليه من مصطلحات الصوفية وغيرهم ليس هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا هو الضابط فالولي هو المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولو خالف ذلك هواه فإنما يتبع ما أمره الله وما أمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو خالف ذلك هواه ورغبته وهذا هو الضابط في ولي الله ليس الضابط في ولي الله ما تقوله المبتدعة والصوفية إنه هو الذي يفعل كذا وكذا الذي على يده كرامة وخوارق لا الذي يجري عليه كذا وكذا كل هذا ليس من ولاية الله عز وجل. Donc le cheikh il dit les awliya d'Allah ce sont les pieux, al-muttaqun, ceux qui se préservent d'Allah, de son châtiment. Et comme Allah il le dit dans le verset 62 à 63 dans surat Yunus, il dit certes les awliya d'Allah ils n'auront pas de crainte et ne seront pas attristés, ceux qui ont cru, qui ont al-iman, wa kanu yattaqun, ils ont al-taqwa. D'accord, c'est ça les awliya d'Allah. Et il dit ceux-là ce sont ceux qui mettent en application les ordres d'Allah et qui s'écartent de ce que Allah a interdit et qui suivent yani ce que Allah a ordonné, pas selon leur goût, pas selon leurs états, ou pas selon les principes sur lesquels ou les conventions sur lesquelles les soufis se sont mis d'accord. Ceux-là ce sont pas eux les awliya. Les awliya ce sont ceux qui ont cru et qui ont at-taqwa, qui ont la piété. Et le cheikh il dit c'est ça la règle, c'est ça le principe qu'il faut comprendre, que le wali c'est celui qui est obéissant à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam, même si cela contredit sa passion ou son désir. Donc il ne fait que suivre le commandement d'Allah et le commandement du messager sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est en contradiction avec ses désirs ou ses passions. Il dit c'est ça la règle donc à propos du wali. Et la règle à propos du wali, ce n'est pas ce que disent les gens de bid'a ou ce que disent les soufis, qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a fait tel ou tel miracle ou qui a fait tel ou tel prodige ou qui a fait telle ou telle action. Il faut qu'il marche sur l'eau, il faut qu'il vole dans les airs, il faut qu'il puisse faire tel ou tel miracle. Non, c'est pas une condition pour être un wali. La seule condition pour être un wali, c'est que la personne soit mu'min et qu'elle soit taqi. Mu'minun taqiyun. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيعني toute personne qui est mu'min et qui est taqi, il est un wali d'Allah. D'accord? Même s'il n'a pas des karamates, même s'il n'a pas fait des prodiges, même s'il n'a pas fait des choses surnaturelles ou des choses de ce genre. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à cet endroit-là. On continuera demain, inshallah, la suite. بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.